Énervé comme un bâtiment, les bécanes qui se tordent à mort. On veut rien savoir, même si les queues veulent dire un mot. Les voisins sont fâchés, mais le business fonctionne encore. J'ai cassé ma cime, à force d'entendre beaucoup d'écho. Lui, c'est moi la future star, et vous, je connais pas votre avenir. Ah bon, mais par contre, que je sois là, en tout cas, je compte les démolir. Fume, avant que la vie défume, tire, avant que le sang te gueule. Cours, avant que tu coupes la jambe, et pourquoi, quoi, c'est devenu fun. J'en rigole encore. C'est meilleur que les super qui chaque jour ça propose des corps à corps. Les armes on les manie bien, pas besoin de stand de tir. La drogue ramène des gars, le reste il tourne comme une fille facile. Du fric, de la dope et des chagas dans un appartement. Baby si tu veux ma vie faut faire la queue ou demande gentiment. B-O-L-E, c'est mon blast qui tourne dans les alentours. La prochaine date de sens il sera tout en haut de la 7ème tour. Looking back.